L'heure du loup. Le meilleur des musiques sombres sur Osmose Radio. Thank you. Tadam ! Ça surprend, hein ? Je suis sûr que vous avez encore la tête dans le cul après vos beuveries de fête de fin d'année, chers amis. Bonsoir à tous, mes petits loups, vous êtes bien dans votre émission Rock and New Wave sur Osmose Radio. Et pour commencer cette playlist, la première de l'année, c'est la première de cette année 2015, après la trêve des conviseurs et donc les deux semaines qu'on a traversées sans émission de l'heure du loup, eh bien moi, Stéphane, je vous accueille et je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle année, cette nouvelle saison de l'heure du loup. Et on ouvrit cette playlist avec une reprise de U2, le titre New Year's Day, qui est connu mondialement et qui était là dans une reprise par les Dresden Dolls, le groupe d'Amanda Palmer et de Brian Villione, qui dans les années 2000, tout au long des années 2000, nous avait promené avec ce style cabaret punk inimitable, et donc une batterie, un piano, et c'est largement aussi péchu que U2 avec leurs instruments électriques. Voilà, pour commencer cette nouvelle année, New Year's Day. Et comme chaque début d'année, on se dit, tiens, bah, qu'est-ce qui va se passer cette année? On est un petit peu dans l'expectative, dans l'attente, voire dans le doute. Et bien, c'est aussi la question que se pose Debbie Harry dans ce titre de Blondie qu'on va écouter tout de suite. Blondie, un titre de la fin des années 70 avec Is Anything Happen? Chanteuse du groupe Blondie en 1978, c'est un extrait de l'album Parallel Lines, c'était donc le titre Is Anything Happen, la question qu'on se pose tous en ce début d'année, en chaque début d'année en fait. Et c'était donc pour commencer cette playlist, la première de l'année. Soyez les bienvenus dans l'heure du loup, chers amis, vous êtes bien sur Osmose Radio et c'est reparti pour une saison de folie, hein, entre l'heure du loup et toutes les bonnes émissions que vous retrouvez sur cette formidable radio. Oui, je me passe la pommade tout seul, mais bon, après tout, on n'est jamais si bien servi que par soi-même. Alors bon, bah, l'usage, hein, comme pour tout le monde et comme chaque année, l'usage est de vous souhaiter vos vœux. C'est un petit peu fastidieux, mais pour vous comme pour moi, hein, rassurez-vous. Mais bon, je dois le faire, c'est la tradition. Alors j'y vais. Mes petits loups, je vous souhaite une bonne année. Ouais, je sais, c'est pas très original. Je vous souhaite une bonne année. Bon, elle sera pas forcément heureuse, mais au moins, je souhaite que vous ayez du plaisir. Alors, des plaisirs, que ce soit donc les flots de liquide juteux et carmin qui éclabousseront vos crocs, hein, bien entendu, que ce soit des vins à la robe vermeille et au parfum capiteux, que ce soit des Bloody Mary à l'éclat purpurin, que ce soit le jus de votre pièce de bœuf pour les plus carnivores d'entre vous, avec sa sauce aux érelles, hein, qui sera rouge elle aussi, ou bien encore que ce soit les menstruations de votre copine si vous êtes très amoureux et très courageux. Bon, de petits canailloux. Sinon, ben, du juteux pour vos canines, hein, c'est tout ce que je vous souhaite. Il faudrait toujours en être ivre, comme disait le poète. Mais je sais plus lequel. Je vous souhaite aussi de passer du temps avec votre meute, hein, que ce soit votre famille, que ce soit vos amis, que ce soit votre couvent, que ce soit vos G.I. Joe, vos poupées gonflables, ça dépend de vous, ou bien que ce soit vos petits loups pour ceux qui en ont. Passer du temps avec votre meute, c'est toujours ça de gagner. Je vous souhaite aussi de vous accomplir dans vos activités de loisirs, vos délires personnels, chers amis. Et là, spéciale dédicace à ceux qui font du yoga. J'espère que cette année, vous allez acquérir de la souplesse et d'ici le mois de décembre, que vous allez réussir à vous lécher les couilles comme sont capables de le faire les loups. Et autres canins d'ailleurs. Qu'est-ce que je peux vous souhaiter d'autre? Ah ouais, je vous souhaite des nuits sauvages. À donner la joie en agitant la queue sur d'innombrables matelas et sommiers dans les bras d'innombrables louloutes, mes chers amis. Et sinon, je vous souhaite aussi de hurler à la lune, hein, dans la lumière laiteuse des clartés obscures des belles nuits d'hiver. Je vous souhaite d'avancer dans la vie à pas de loup pour les plus timides d'entre vous. Je vous souhaite de vous jeter dans la gueule du loup pour les plus audacieux d'entre vous. Et quoi qu'il en soit, moi, je vous remercie d'écouter l'heure du loup, chers auditeurs d'Osmose Radio. Enfin, pour les plus timides, je vous souhaite de hurler par les nuits d'hiver, comme je disais tout à l'heure. Mais bon, si vous êtes trop timide, hein, vous pouvez aussi hurler dans les karaokés ou bien dans la foule anonyme d'un concert de métal. Ça ne mange pas de pain. Enfin, ben, vous l'aurez compris, je vous souhaite du sang, de la sueur, de la cyprine, des bisous pleins de salive et d'amour qui dégoulinent. Je vous souhaite du bonheur, de la joie, du plaisir, avec la certitude de la mort au bout. Bref, je vous souhaite la vie, chers amis. Voilà, c'était ma petite dédicace en ce début d'année et c'était ma manière à moi bien sanglante et bien décadente de vous souhaiter mes vœux. Et tiens, en parlant de décadence, moi j'annonce la couleur, mais je suis sûr que de votre côté, de manière plus discrète, vous l'êtes aussi, bande de petits sacripants. Et je suis à peu près sûr que le 1er janvier, comme la plupart des gens, vous étiez un peu bon à rien après vos beuveries des fêtes de fin d'année. Eh bien, s'il y a un groupe qui a bien résumé ça de manière courte, efficace et brutale dans une chanson, eh bien c'est bien les représentants du punk californien des Dead Kennedys avec le titre, je le traduis pas, vous comprendrez vous-même, « Too Drunk to Fuck ». Fucking retain and put it in your purse. I'm feeling zombified. Je me sens totalement zombifié. Ben oui, hein, c'est un petit peu comme ça qu'on se sent, que vous vous sentiez, mais ne culpabilisez pas. On se sent tous un peu zombifié après les fêtes de fin d'année. Ajoutez à ça le blues de l'hiver. Et vous y êtes. Et c'est enchaîné juste avant avec un petit peu le même message, mais de manière beaucoup plus rude. C'était les Dead Kennedys avec le titre Too Drunk to Funk. Trop bourré pour baiser, en d'autres termes. Hein, ben oui, bon, bah, écoutez, c'est des choses qui arrivent, hein, quand on s'alcoolise un peu trop, comme c'est le cas notamment pendant la trêve des confiseurs. Alien Sex Fiend, c'est un groupe de Bad Cave originaire de Londres, mené par Nicky Fiend et son épouse. Fiend, en anglais, ça veut dire démon, hein, c'est un démon un petit peu salace, on va dire. Hein. Et donc c'est ce groupe qui, depuis le début des années 80, tourne et s'illustre notamment avec des titres comme celui qu'on vient d'écouter. Voilà. Je sais pas vous, mais moi, quand il y a des journées difficiles dans l'année, j'ai tendance à me remonter le moral en me disant « Allez Stéphane !» Oui, parce que quand je suis tout seul, j'aime bien m'appeler Stéphane. Je me dis « Allez Stéphane, dis-toi qu'aujourd'hui, c'est quand même un sacré événement, c'est ton non-anniversaire. » Et du coup, ça me remonte le moral. Et bah, écoutez, hein, pour nous remonter le moral tous après, à cause de cette année blues de l'hiver dont je parlais à l'instant, et puis le contre-coup des fêtes, etc., etc., je vous propose de nous souhaiter tous ensemble un joyeux non-anniversaire. Vous n'avez qu'un anniversaire, par an. Un anniversaire seulement par an. Oh, mais il y a 364 non-anniversaires. Aujourd'hui, nous fêtons un de cela. Et nous souhaitons à tout le monde avec nos voeux sincères un joyeux non-anniversaire. Un joyeux non-anniversaire. Un joyeux non-anniversaire, mon cher. Joyeux non-anniversaire à moi. À qui? À moi. À vous. Un joyeux non-anniversaire à vous. À moi. Et oui, à moi. Buvons du thé, encore du thé, en nous souhaitant, mon cher, un joyeux non-anniversaire, mon cher. C'est aussi mon non-anniversaire aujourd'hui. Bien sûr. Oh, que le monde est petit, Dieu du ciel. Alors, dans ce cas... Un joyeux non-anniversaire. À moi. À vous. Un joyeux non-anniversaire. À moi. À vous. Soufflez très fort sur la bougie et le vœu s'accomplit. Un joyeux non-anniversaire, mon cher. Oui, Abel, mon technicien préféré, vas-y, coupe là, parce que ils sont partis pour se souhaiter leur non-anniversaire pendant toute la journée. Le Chapelier Fou, le Lièvre de Mars, et vous l'aurez reconnu, Alice, le fameux personnage du conte de Lewis Carroll, qui est adapté dans les années 60 par Walt Disney dans un dessin animé totalement fantaisiste et que j'adore. Mille fois je le regarde, mille fois je me marre. Il y a rien à faire. Et bon, bah écoutez, chers amis, je vous souhaite un joyeux non-anniversaire. Je suis sûr que c'est, il y a 99% de chances que ce soit le cas pour vous. En tout cas, c'est le cas pour moi. Par contre, il y a un truc qui me rend un peu triste, c'est qu'aujourd'hui, c'est pas le anniversaire de l'heure du loup, puisque l'émission commençait le lundi 6 janvier 2014, donc ça fait pile poil un an aujourd'hui que je pourris les fréquences et les diffusions d'Osmose Radio. Depuis un an, je me suis toujours pas fait virer, décidément, il y a du laxisme dans cette radio, hein. Mais bon, bref, quoi qu'il en soit, c'est tout à mon avantage, c'est tout à l'honneur de Dominique, d'Abel et de tous les collègues que j'y croise et que je remercie au passage, et donc ben, ça fait plaisir de savoir que depuis un an, vous continuez à suivre l'émission. Merci à vous, chers amis, mais bon, ce soir, si je vous souhaite un bon non-anniversaire, ce n'est pas le cas pour l'heure du loup. Ce sera peut-être le cas la semaine prochaine. Voilà. Et donc, puisqu'il s'agit d'un anniversaire, en l'occurrence pour l'heure du loup, eh bien, j'avais envie de souligner ça avec un groupe qui porte bien le nom nécessaire pour une telle occasion. En l'occurrence, il s'agit de l'ancien groupe de Nick Cave qui officiait à la fin des années 70, entre 77 et 83, je crois. Et on va donc écouter un extrait du groupe The Birthday Party. The Birthday, vous l'aurez compris, The Birthday Party, la fête d'anniversaire, c'est un petit peu le cas aussi, avec ses yeux luberlus qui chantaient à l'époque « Release the Bats ». We'll be right back. N'est-ce pas? À l'instant, c'était Nick Cave qui hurlait il y a 30 ans, mais je crois qu'il est toujours capable de le faire, cet hurluberlu. C'était le titre Release the Bats, relâcher les chauves-souris. Je ne sais pas si c'est le slogan de libération des gothiques, mais toujours est-il qu'à l'époque, c'était l'hymne de ce groupe-là, The Birthday Party, qui était donc le premier groupe à la fin des années 70 et au début des années 80, qui était basé à Melbourne à l'époque de sa carrière australienne, pour ce personnage, Nick Cave, qui intervenait donc à l'époque dans le groupe The Birthday Party, qu'on vient d'écouter à l'instant. Soyez les bienvenus, chers amis, si vous nous rejoignez. Vous êtes bien dans l'heure du loup sur Osmose Radio. On est encore ensemble pour une demi-heure de rock et de new wave et de styles apparentés comme le post-punk assez endiablé qu'on vient d'écouter à l'instant. On va aller faire quelque chose d'un petit peu différent parce que bon, vous, je sais pas, mais moi, je mets toujours un petit peu de temps à faire le deuil de l'année précédente. Hein. Là, en l'occurrence, je vais mettre à peu près 10 ou 11 mois à faire le deuil de 2014. Et autant dire, hein, puisqu'on est déjà le 6 janvier et qu'il ne reste donc, si je compte bien, que 359 jours à 2015, et bien autant dire que pour 2015, c'est le début de la fin. Le début de la fin, The Beginning of the End, ben justement, c'est le titre d'une chanson de Nine Inch Nails, le groupe de Trent Reznor, un musicien dont je vous parlais il n'y a pas très très longtemps parce que il s'illustre avec dans son style de rock industriel pour lequel il est passé un petit peu maître en la matière, notamment au sein de Nine Inch Nails, le groupe dont il est le leader. Trent Reznor, je vous en avais parlé il n'y a pas longtemps parce qu'il a fait des bandes originales de films, notamment pour David Fincher, que vous avez peut-être eu l'occasion d'écouter en allant au cinéma. Il fait aussi l'objet de remixes, bien entendu, comme pas mal de groupes qui ont le succès que l'on sait. Et Nine Inch Nails donc, a vu ce morceau-là, The Beginning of the End, qui a été remixé par un groupe de rock industriel de Lyon qui s'appelle Porn. Et je vous propose d'en écouter leur version tout de suite, The Beginning of the End, The Beginning of the End, oui, excusez-moi, tout de suite le début de la fin de la deuxième partie de l'heure du loup avec Nine Inch Nails. Avec le titre Velveteen Kiss, c'était enchaîné juste avant avec Nine Inch Nails, The Beginning of the End, ce qui est le cas pour 2015, puisque l'année est un petit peu avancée de quelques jours, et c'était un remix qui avait été fait par le groupe de rock industriel lyonnais Porn. Porn, un groupe que j'avais découvert dans un webzine, hein, en lisant un article. Hein. Pas un groupe que j'avais découvert en tapant un mot-clé dans un moteur de recherche. N'allez pas vous imaginer des choses, bande de petits sacripants. Voilà, donc Nine Inch Nails, c'est un groupe de rock industriel, leader mondial, si j'ose dire, dans ce style musical-là, qu'ils illustrent très bien. Et donc Trent Reznor, qui emmène ce groupe-là, se fait aussi connaître, notamment pour les compositions de musique de film dont il est à l'origine. Je vous en avais passé une le mois dernier. Le mois dernier, c'était déjà il y a un an, finalement, puisque c'était en 2014. Et c'était donc enchaîné avec Lycosia, je sais pas comment il faut prononcer, et le titre Velveteen Kiss, qui était un extrait de leur album éponyme qui sorti en 2004. À l'époque, ils se définissaient comme glam goth deluxe. Et en fait, c'est un groupe qui s'est créé en 1996, qui avait vraiment une influence métal très marquée à l'origine. Ils sont originaires du nord de la France, ils sont de Cambrai, il me semble. À partir de cette période-là, mi-temps des années 2000, ils sont allés vers quelque chose de plus rock gothique, avec une grosse influence glam, mais pas tant dans le son que dans les visuels, en fait. Et c'est vrai qu'ils incorporaient donc dans des ambiances un peu sombres, des touches de couleurs un peu fluo, etc., qui venaient du glam sleaze des années 80 et 90, notamment. Donc voilà, c'était assez marrant, et au niveau du son, c'était vraiment pas mal du tout. Ils avaient fait quelques morceaux dans les années 2000 qui avaient bien marché, qui étaient assez dansants, et on vient d'en avoir un extrait avec ce titre, Velveteen Kiss. Velveteen Kiss, les baisers de velours, hein, comme ceux qu'on se donne sous le gui au début de l'année, notamment. Je sais que la tradition a tendance à se perdre, mais c'est assez mignon, je trouve, comme symbolisme, de se faire un bisou sous le gui pour se souhaiter bonne année. Tiens, d'ailleurs, je vous en fais un. J'ai pas de gui, mais j'ai un mec qui s'appelle Abel. Bon, pour le coup, je vais le rebaptiser Guy. Allez, hop. Voilà, ça y est. Dans l'heure du loup, je vous ai fait mon bisou sous le gui, enfin, ou juste à côté. Allez, on continue. Vous n'aurez pas manqué de remarquer, si vous avez mis le nez dehors, l'hiver est indulgent ces temps-ci, il y a un beau soleil dans la journée. Et si vous avez eu l'occasion de mettre le nez dehors quand il fait nuit, il y a aussi une lune splendide depuis quelques temps. Donc faut croire que l'année 2015 commence sous de bons auspices. En tout cas, j'ose le croire. Cette pleine lune du mois de janvier est considérée parfois comme la lune du loup. Je m'explique. La lune du loup, en fait, c'est, en tout cas, c'est une croyance qu'on leur prête. C'est ainsi que les Indiens algonquins dans le nord de l'Amérique, à l'époque où les premiers pèlerins, tout ça, sont arrivés, c'est comme ça qu'ils appelaient la lune du mois de janvier. Ils avaient un calendrier lunaire et ils donnaient un nom d'animal sacré à chacune des pleines lunes, puisqu'ils se basaient là-dessus pour définir leur calendrier. Et donc, en janvier, au cœur de l'hiver, et Dieu sait que en Amérique du Nord, l'hiver peut être extrêmement rigoureux, eh bien, ils avaient appelé ça, donc avec ces nuits cristallines, ces ciels immaculés et constellés d'étoiles, et ce froid polaire ou quasi polaire qui assourdit tous les sons de la nature, eh bien ils avaient appelé ça la lune du loup. Alors en été, c'était plutôt la lune des crapauds, enfin des grenouilles, vous voyez, enfin à chaque saison correspondait une lune qui correspondait à un animal sacré, donc du panthéon de leur religion, qui nous reste quand même à bien des égards inconnus. Il faut prendre ceci avec quelques réserves néanmoins, parce que j'ai pas vraiment eu d'occasion de vérifier l'info, et je Je soupçonne un peu que c'est un délire des adeptes de la Wicca. Vous savez, cette religion syncrétique et relativement nouvelle qui consiste à adorer les esprits de la nature, notamment, et une religion qui a justement a beaucoup de succès dans les milieux New Age aux États-Unis, pour en revenir à l'Amérique du Nord. Donc voilà, une information à prendre avec des pincettes. Hein. La pleine lune de janvier s'appellerait la lune du loup chez les Indiens d'Amérique du Nord, enfin, des tribus qui n'existent quasiment plus aujourd'hui, mais ça a été le cas à une époque, semble-t-il. Toute proportion gardée, de toute manière, moi je trouve ce symbolisme très mignon, qu'il soit véridique, authentique ou pas. Et la lune du loup, ben, la lune de janvier, j'avais envie d'y faire un clin d'œil en musique avec un très beau morceau, un morceau d'ailleurs un peu plus calme parce qu'on arrive tout doucement vers la fin de l'émission, un très beau morceau du groupe Type O Negative avec la voix magnifique du regretté Peter Steele qui lui aussi était un sacré loulou. Tout de suite, Type O Negative avec le titre Wolf Moon. On that great day. Belle voix grave, le tendre velours noir et mâle de Peter Steele, qui malheureusement n'est plus de ce monde dans cette année 2015, qui nous a quitté il y a un petit peu moins de 5 ans. Et c'était un extrait de l'album October Rust, sorti en 1996 du groupe Type O Negative, Wolf Moon, la lune du loup, qui donc est une croyance attribuée aux Indiens d'Amérique, appelée la lune, la pleine lune du mois de janvier, la lune du loup. Je ne m'en plaindrai pas dans cette émission que vous me faites le plaisir d'écouter tous les mardis soirs, chers amis. Je suis très heureux de vous retrouver en cette année 2015, et puisqu'on arrive à la fin de l'émission, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, et ainsi que les semaines suivantes, rassurez-vous. La semaine prochaine, ce sera une émission thématique en l'honneur de la Russie et des pays qui l'entourent, parce que bon, même si l'actualité à ce niveau-là est assez triste, j'avais quand même envie, à l'occasion du réveillon russe, qui est toujours un petit peu décalé à cause des bizarreries du calendrier julien orthodoxe et du calendrier grégorien catholique tel que nous on le pratique, il y a toujours 15 jours de décalage, donc ces couillons de Russes fêtent leur nouvelle l'année avec 15 jours de retard sur nous autres, mais on s'en fout, ça fait une occasion supplémentaire de faire la fête si le cœur vous en dit. En tout cas, moi je vous invite à une playlist thématique sur la Russie et les pays slaves la semaine prochaine dans l'heure du loup, chers amis. Bon, ce début de janvier, on se dit aussi, tiens, est-ce que cette nouvelle année va être un petit peu d'emmerdement tous les jours? On se pose la question, parfois on est fondé à le penser d'ailleurs. Bah écoutez, j'espère que non, en tout cas je vous souhaite que non. C'est quand même le titre avec lequel on va se quitter, hein. Je veux pas vous porter la poisse, mais le titre Trouble Every Day, donc des ennuis tous les jours. En fait, c'était un titre qui avait été composé par le groupe Tindersticks, un groupe de pop anglaise classieux, avec une élégance mâle, là encore, un petit peu comme chez Type O Negative, mais dans un style tout à fait différent. Les Tindersticks avaient composé la bande originale d'un film qui s'appelait justement Trouble Everyday, qui était un film de Claire Denis, un film d'auteur français. Donc on pourrait se dire, oh, ça va être un film chiant. Et ben non, pour le coup, pas du tout. C'est un film assez dur. Faut vraiment avoir l'estomac et le cœur bien accroché pour regarder ce film-là. D'ailleurs, je crois que dans les vidéoclubs, enfin à l'époque où il existait des vidéoclubs, il était classé dans les films d'horreur. Donc par contre, Béatrice Dalle est absolument magnifique dans ce film-là. Une femme dangereuse, carnivore, mais magnifique. Et donc, je vous invite à regarder ce film-là. Bien entendu, je vous mettrai, si vous avez envie de vous en faire une idée, la bande-annonce sur le Facebook de L'Heure du Loup, facebook.com/L'Heure du Loup, tout attaché, où vous pouvez retrouver toute l'actualité de l'émission, ainsi qu'évidemment les podcasts sur le site d'Osmose Radio, où Abel, mon technicien préféré, vous les met en ligne avec une rigueur et une ponctualité métronomique. Est-ce un cyborg? Est-ce un garçon? Je ne sais pas. En tout cas, il est super efficace. Allez, chers amis, je vous propose de nous quitter avec donc la bande originale de ce film-là par les Tindersticks, Trouble Every Day. Je vous donnerai vous la semaine prochaine et je vous souhaite une bonne fin de soirée. Bisous mes loulous. Look into my eyes, you see trouble every day. It's on the inside, so don't try and understand. I get on the inside of you. You can blow it all away, such your slightest breath, and I know who I am. And they scream it out loud. I get on the inside of you. You can wave it all away. Set your slightest thing. It's just a raise of your hand. And this trip. Every day, this trip, every day, this trip, every day, this trip, every day. Yeah.